Chapitre 41e. Le médecin malgré lui. Gilbert se sentait désagréablement affecté d'avoir à obéir à Laquais. Néanmoins, comme il s'agissait sans doute d'un changement dans son état, et qu'il lui semblait que tout changement lui devait être avantageux, il se hâta. Mademoiselle Chon, libre enfin de toute négociation, après avoir mis sa belle-sœur au courant de sa mission près de Madame de Béarn, déjeunait fort à l'aise dans un beau déshabillé du matin, près d'une fenêtre à la hauteur de laquelle montaient les acacias et les marronniers du plus prochain quinconce. Elle mangeait de fort bon appétit, et Gilbert remarqua que cet appétit était justifié par un salmi de faisan et par une galantine aux truffes. Le philosophe Gilbert, introduit auprès de Mademoiselle Chon, cherchait des yeux sur le guéridon la place de son couvert. Il s'attendait à une invitation. Mais Chon ne lui offrit pas même un siège. Elle se contenta de jeter un coup d'œil sur Gilbert, puis, ayant avalé un petit verre de vin couleur de topaze. « Voyons, mon cher médecin, où en êtes-vous avec Zamor ? » dit-elle. « Où j'en suis ? » demanda Gilbert. « Sans doute, j'espère que vous avez fait connaissance. »« Comment voulez-vous que je fasse connaissance avec une espèce d'animal qui ne parle pas et qui, lorsqu'on lui parle, se contente de rouler les yeux et de montrer les dents ? Vous m'effrayez ! » répondit Chon sans discontinuer son repas et sans que l'air de son visage correspondît aucunement à ses paroles. « Vous êtes donc bien revêche en amitié ?» L'amitié suppose l'égalité, mademoiselle. Belle Maxime, dit Chon. Alors vous ne vous êtes pas cru l'égal de Zamor. C'est-à-dire, reprit Gilbert, que je n'ai pas cru qu'il fût le mien. En vérité, dit Chon, comme se parlant lui-même, il est ravissant. Puis se retournant vers Gilbert, dont elle remarqua l'air rogue, vous disiez donc, cher docteur, ajouta-t-elle, que vous donniez difficilement votre cœur. Très difficilement, madame. Alors je me trompais. Quand je me flattais d'être de vos amies et des bonnes. J'ai beaucoup de penchant pour vous personnellement, madame, dit Gilbert avec raideur, mais... Ah, grand merci pour cet effort. Vous me comblez. Et combien de temps faut-il, mon beau dédaigneux, pour qu'on obtienne vos bonnes grâces? Beaucoup de temps, madame. Il y a même des gens qui, quelque chose qu'ils fassent, ne les obtiendront jamais. Ah, cela m'explique comment, après être resté 18 ans dans la maison du baron de Tavernet, vous l'avez quitté tout d'un coup. Les Tavernais n'avaient pas eu la chance de se mettre dans vos bonnes grâces. C'est cela, n'est-ce pas ? Gilbert rougit. Eh bien, vous ne répondez pas, continua Chon. Que voulez-vous que je vous réponde, madame, si ce n'est que toute amitié et toute confiance doivent se mériter ? Peste ! Il paraîtrait en ce cas que les hôtes de Tavernais n'auraient mérité ni cette amitié ni cette confiance. Tous, non, madame. Et que vous avez fait ceux qui ont eu le malheur de vous déplaire ? « Je ne me plains point, madame, » dit fièrement Gilbert. « Allons, allons, » dit Chon. « Je vois que moi aussi je suis exclu de la confiance de M. Gilbert. »« Ce n'est cependant pas l'envie de la conquérir qui me manque. C'est l'ignorance où je suis des moyens que l'on doit employer. » Gilbert se pinça les lèvres. « Bref, ces Tavernais n'ont pas su vous contenter, » ajouta Chon, avec une curiosité dont Gilbert sentit la tendance. « Dites-moi donc un peu ce que vous faisiez chez eux. » Gilbert fut assez embarrassé, car il ne savait pas lui-même ce qu'il faisait à Tavernet. « Madame, dit-il, j'étais homme de confiance. » À ces mots prononcés avec le flegme philosophique qui caractérisait Gilbert, Chon fut prise d'un tel éclat de rire qu'elle se renversa sur sa chaise en éclatant. « Vous en doutez ? » dit Gilbert en fronçant le sourcil. « Dieu m'en garde ! Savez-vous, mon cher ami, que vous êtes féroce et que l'on ne peut vous rien dire ? « Je vous demandais quels gens étaient ces Tavernais. Ce n'est point pour vous désobliger, mais bien plutôt pour vous servir en vous vengeant. »« Je ne me venge pas, ou je me venge moi-même, madame. »« Très bien. Mais nous avons nous-mêmes un grief contre les Tavernais. Puisque de votre côté vous en avez un, et peut-être même plusieurs, nous sommes donc naturellement alliés. »« Vous vous trompez, madame. Ma façon de me venger ne peut avoir aucun rapport avec la vôtre, car vous parlez des Tavernais en général. » Et moi, j'admets différentes nuances dans les divers sentiments que je leur porte. Et M. Philippe de Tavernet, par exemple, est-il dans les nuances sombres ou dans les nuances tendres ? Je n'ai rien contre M. Philippe. M. Philippe ne m'a jamais fait ni bien ni mal. Je ne l'aime ni ne le déteste. Il m'est tout à fait indifférent. Alors vous ne déposeriez pas devant le roi ou devant M. de Choiseul contre M. Philippe de Tavernet ? À quel propos ? À propos de son duel avec mon frère. « Je dirais ce que je sais, madame, si j'étais appelé à déposer. Et que savez-vous ? La vérité. Voyons, qu'appelez-vous la vérité? C'est un mot bien élastique. Jamais pour celui qui sait distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Je comprends. Le bien, c'est M. Philippe de Tavernet, le mal, c'est M. le vicomte du Barry. Oui, madame, à mon avis, et selon ma conscience, du moins. Voilà ce que j'ai recueilli en chemin, dit Jean avec aigreur. Voilà comment me récompense celui qui me doit la vie. C'est-à-dire, madame, celui qui ne vous doit pas la mort. C'est la même chose. C'est bien différent, au contraire. Comment cela? Je ne vous dois pas la vie. Vous avez empêché vos chevaux de me l'ôter, voilà tout. Et encore, ce n'est pas vous, c'est le postillon. Jean regarda fixement le petit logicien qui marchandait si peu avec les termes. J'aurais attendu, dit-elle en adoucissant son sourire et sa voix. Un peu plus de galanterie de la part d'un compagnon de voyage qui savait si bien, pendant la route, trouver mon bras sous un coussin et mon pied sur son genou. Jean était si provocante, avec cette douceur et cette familiarité, que Gilbert oublia Zamor, le tailleur et le déjeuner auquel on avait oublié de l'inviter. Allons, allons, nous voilà redevenus gentils, dit Jean en prenant le menton de Gilbert dans sa main. Vous témoignerez contre Philippe de Tavernay, n'est-ce pas? Oh, pour cela, non, fit Gilbert, jamais. Pourquoi donc, entêté? Parce que monsieur le vicomte Jean a eu tort. Et en quoi a-t-il eu tort, s'il vous plaît? En insultant la dauphine, tandis qu'au contraire, monsieur Philippe de Tavernay, eh bien, avait raison en la défendant. Ah, nous tenons pour la dauphine, à ce qu'il paraît. Non, je tiens pour la justice. Vous êtes un fou, Gilbert, taisez-vous, qu'on ne vous entende point parler ainsi dans ce château. Alors dispensez-moi de répondre quand vous m'interrogerez. Changeons de conversation en ce cas. Gilbert s'inclina en signe d'assentiment. Ça, petit garçon, demanda la jeune femme d'un ton de voix assez dur, que comptez-vous faire ici si vous ne vous rendez agréable? Faut-il me rendre agréable en me parjurant? Mais où donc allez-vous prendre tous ces grands mots-là? Dans le droit que chaque homme a de rester fidèle à sa conscience. Bon, dit Jean. Quand on sert un maître, ce maître assume sur lui toute responsabilité. Je n'ai pas de maître, grommela Gilbert. Et au train où vous y allez, petit niais, dit Jean en se levant comme une belle paresseuse, vous n'aurez jamais de maîtresse. Maintenant, je répète ma question. Répondez-y catégoriquement. Que comptez-vous faire chez nous? Je croyais qu'il n'était pas besoin de se rendre agréable quand on pouvait se rendre utile. Et vous vous trompez. On ne rencontre que des gens utiles, et nous en sommes là. Alors je me retirerai. Vous vous retirerez? Oui, sans doute. Je n'ai point demandé à venir, n'est-ce pas? Je suis donc libre. Libre? S'écria Jean, qui commença à se mettre en colère de cette résistance à laquelle elle n'était pas habituée. Oh que non! La figure de Gilbert se contracta. Allons, allons, dit la jeune femme, qui vit au froncement de sourcils de son interlocuteur qu'il ne renonçait pas facilement à sa liberté. Allons, la paix! Vous êtes un joli garçon très vertueux. En cela, vous serez très divertissant, ne fût-ce que par le contraste que vous ferez avec tout ce qui nous entoure. Seulement, gardez votre amour pour la vérité. Sans doute, je le garderai, dit Gilbert. Oui, mais nous entendons la chose de deux façons différentes. Je dis, gardez-le pour vous, et n'allez pas célébrer votre culte dans les corridors de Trianon ou dans les antichambres de Versailles. Fit Gilbert. Il n'y a pas de Vous n'êtes pas si savant, mon petit philosophe, que vous ne puissiez apprendre beaucoup de choses d'une femme. Et d'abord, premier axiome, on ne ment pas en se taisant. Retenez bien ceci. Mais si l'on m'interroge, qui cela? Êtes-vous fou, mon ami? Bon Dieu, qui songe donc à vous au monde si ce n'est moi? Vous n'avez pas encore d'école, ce me semble, monsieur le philosophe. L'espèce dont vous faites partie est encore rare. Il faut courir les grands chemins et battre les buissons pour trouver vos pareils. Vous demeurerez avec moi. Et je ne vous donne pas 4 fois 24 heures pour que nous vous voyions transformés en courtisan parfait. J'en doute, répondit impérialement Gilbert. Jean haussa les épaules. Gilbert sourit. Mais brisons-la, reprit Jean. D'ailleurs, vous n'avez besoin que de plaire à 3 personnes. Et ces 3 personnes sont le roi, ma sœur et moi. Que faut-il faire pour cela? Vous avez vu Zamor? Demanda la jeune femme, évitant de répondre directement à la question. Ce nègre? Fit Gilbert avec un profond mépris. « Oui, ce nègre. Que puis-je avoir de commun avec lui ? » ?»« Tâchez que ce soit la fortune, mon petit ami. Ce nègre a déjà 2000 livres de rente sur la cassée du roi. Il va être nommé gouverneur du château de Lucienne, et tel qui arrive de ses grosses lèvres et de sa couleur, lui fera la cour, l'appellera monsieur et même monseigneur. »« Ce ne sera pas moi, madame, » dit Gilbert. « Allons donc, » dit Jean. je croyais qu'un des premiers préceptes des philosophes était que tous les hommes étaient égaux. C'est pour cela que je n'appellerai pas à mort mon seigneur. » Chon était battu par ses propres armes et se mordit les lèvres à son tour. « Ainsi, vous n'êtes pas ambitieux, » dit-elle. « Si fait, » dit Gilbert, les yeux étincelants. « Au contraire. Et votre ambition, si je me souviens bien, était d'être médecin ?» Je regarde la mission de porter secours à ses semblables comme la plus belle qu'il y ait au monde. « Eh bien, votre rêve sera réalisé. Comment cela ? Vous serez médecin et médecin du roi même. Moi ?» s'écria Gilbert. « Moi qui n'ai pas les premières notions de l'art médical, vous riez, madame. Eh, Zamor sait-il ce que c'est qu'une herse, qu'un machicouli, qu'une contresse car ? Non, vraiment, il l'ignore et ne s'en inquiète pas. Ce qui n'empêche pas qu'il soit gouverneur du château de Lucienne avec tous les privilèges attachés à ce titre. « Ah oui, oui, je comprends, » dit amèrement Gilbert. « Vous n'avez qu'un bouffon, et ce n'est point assez. Le roi s'ennuie, il lui en faut deux. »« Bien !» s'écria Chon. « Le voilà qui reprend sa mine allongée. En vérité, vous vous rendez laid à faire plaisir, mon petit homme. Gardez toutes ces mines fantasques pour le moment où la perruque sera sur votre tête et le chapeau pointu sur la perruque. Alors, au lieu d'être laid, ce sera comique. » Gilbert fronça une seconde fois le sourcil. « Voyons, » dit Chon. « Vous pourrez bien accepter le poste de médecin du roi quand monsieur le duc de Trèmes sollicite le titre de sapajou de ma sœur. » Gilbert ne répondit rien. Chon lui fit l'application du proverbe « qui ne dit rien, consent ». « Pour preuve que vous commencez d'être en faveur, » dit Chon, « vous ne mangerez point aux offices. »« Ah, merci, madame, » répondit Gilbert. « Non, j'ai déjà donné des ordres à cet effet. Et où mangerai-je ? Vous partagerez le couvert de Zamor. Moi, sans doute. Le gouverneur et le médecin du roi peuvent bien manger à la même table. Allez donc dîner avec lui, si vous voulez. Je n'ai pas faim, » répondit rudement Gilbert. « Très bien, » dit Chon avec tranquillité. « Vous n'avez pas faim maintenant, mais vous aurez faim ce soir. » Gilbert secoua la tête. « Si ce n'est ce soir, ce sera demain, après-demain. Ah, vous vous adoucirez, monsieur le rebelle. Et si vous nous donnez trop de mal, nous avons monsieur le correcteur des pages qui est à notre dévotion. » Gilbert frissonna et pâlit. « Rendez-vous donc près du seigneur Zamor, » dit Chon avec sévérité. « Vous ne vous en trouverez pas mal. La cuisine est bonne, mais prenez garde d'être ingrat, car on vous apprendrait la reconnaissance. » Gilbert baissa la tête. Il en était ainsi chaque fois qu'au lieu de répondre, il venait de se résoudre à agir. Le laquais qui avait amené Gilbert attendait sa sortie. Il le conduisit dans une petite salle à manger attenante à l'antichambre où il avait été introduit. Zamor était à table. Gilbert alla s'asseoir près de lui, mais on ne put le forcer à manger. 3 heures sonnèrent. Madame du Barry partit pour Paris. Chon, qui devait la rejoindre plus tard, donna ses instructions pour qu'on apprivoisât son ours. Force en trouvait sucré s'il faisait bon visage, force menace, suivie d'une heure de cachot s'il continuait de se rebeller. À 4 heures, on apporta dans la chambre de Gilbert le costume complet du médecin malgré lui. Bonnet pointu, perruque, juste au cours noir, robe de même couleur. On y avait joint la collerette, la baguette et le gros livre. Le laquais, porteur de toute cette défroque, lui montra l'un après l'autre chacun de ces objets. Gilbert ne témoigna aucune intention de résister. Monsieur Grange entra derrière le laquais et lui apprit comment on devait mettre les différentes pièces du costume. Gilbert écouta patiemment toute la démonstration de Monsieur Grange. « Je croyais, » dit seulement Gilbert, « que les médecins portaient autrefois une écritoire et un petit rouleau de papier. » « Ma foi, il a raison, » dit M. Grange. « Cherchez-lui une longue écritoire, qu'il se pendra à la ceinture. »« Avec plume et papier !» cria Gilbert. « Je tiens à ce que le costume soit complet. » Le laquais s'élança pour exécuter l'ordre donné. Il était chargé en même temps de prévenir Mademoiselle Chon de l'étonnante bonne volonté de Gilbert. Mademoiselle Chon fut si ravie qu'elle donna au messager une petite bourse contenant 8 écus et destinée à être attachée avec l'encrier à la ceinture de ce médecin modèle. « Merci, » dit Gilbert, à qui l'on apporta le tout. « Maintenant, veut-on me laisser seul afin que je m'habille ?»« Alors dépêchez-vous, » dit M. Grange, « afin que mademoiselle puisse vous voir avant son départ pour Paris. »« 1 demi-heure, » dit Gilbert, « je ne demande qu'une demi-heure. »« 3 quarts d'heure, s'il le faut, monsieur le docteur, » dit l'intendant, en fermant aussi soigneusement la porte de Gilbert que si c'eût été celle de sa caisse. Gilbert s'approcha sur la pointe du pied de cette porte, écouta pour s'assurer que les pas s'éloignaient, puis il se glissa jusqu'à la fenêtre qui donnait sur des terrasses situées à 18 pieds au-dessous. Ces terrasses, couvertes d'un sable fin, étaient bordées de grands arbres dont les feuillages venaient ombrager les balcons. Gilbert déchira sa longue robe en trois morceaux qu'il attacha bout à bout, déposa sur la table le chapeau, près du chapeau la bourse, et écrivit « Madame, le premier des biens est la liberté. Le plus saint des devoirs de l'homme est de la conserver. Vous me violentez, je m'affranchis. Gilbert. » Gilbert plia la lettre, la mit à l'adresse de Mademoiselle Chon, attacha ses 12 pieds de serge au barreau de la fenêtre, entre lesquels il glissa comme une couleuvre, sauta sur la terrasse, au risque de sa vie, quand il fut au bout de la corde, et alors, quand un peu étourdi du saut qu'il venait de faire, il courut aux arbres, se cramponna aux branches, glissa sous le feuillage comme un écureuil, arriva au sol, et à toutes jambes disparut dans la direction des bois de Ville d'Avray. Lorsqu'au bout d'une demi-heure on revint pour le chercher, il était déjà loin de toute atteinte.